On va parler de lutte. Il y a un livre qui devait sortir initialement le 15 avril, mais qui est sorti cette semaine. Je pense que c'est hier, même de ça, qui est sorti officiellement à Montréal. En région, ça va être un petit peu plus. Ça devrait arriver aujourd'hui ou demain. Quoi qu'il en soit, c'est un livre qui s'appelle Le Géant Ferré, une espèce de biographie sur Jean Ferré, qui est écrit par deux auteurs. D'abord, Pat Laprade, que tout le monde connaît, il fait la lutte à TVA Sport. Et également, monsieur Bertrand Hébert, qui est impliqué dans la lutte professionnelle depuis 25 ans. Et on a en bout de ligne monsieur Hébert pour parler de cette biographie-là. Bonjour, monsieur Hébert. Bonjour, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème, monsieur Hébert, ça me fait plaisir. Écoutez, moi, je suis pas un amateur de lutte. Par contre, ça m'intéressait beaucoup de lire ce livre-là. Pourquoi? Parce que je pense que Jean Ferré, à quelque part, il frappe l'imaginaire. C'est plus gros que le sport. Effectivement, on peut dire que le géant ferré, André the Giant en anglais, ou de son vrai nom, André Roussimoff, a dépassé les cadres de la lutte. Il a marqué l'imaginaire collectif. D'ailleurs, les promoteurs nous le disaient lorsqu'on faisait nos entrevues, quand on avait André sur la carte, ça faisait une différence au guichet. C'est-à-dire qu'on allait chercher des amateurs distants. Des gens qui, en temps normal, ne seraient pas allés à la lutte, mais là, pour voir le géant, on voulait y aller. Et on peut aussi penser à des films comme Princesse Bouton d'Or, Princess Bride en anglais, ou son apparition dans L'homme de 6 millions de dollars dans le rôle du Bigfoot, qui ont aussi marqué l'imaginaire en dehors du monde de la lutte. Il était souvent aussi invité à Johnny Carson ou à David Letterman. C'était le seul lutteur qui avait ce traitement-là, et ça, bien avant Hulk Hogan et le Rock. Moi je me rappelle de Jean Ferré au petit écran dans Les Brillants. Vous me donnez une Oui, idée? effectivement, Oui, au Québec, hein? on a eu la chance de le voir dans Les Brillants. Puis dans les années 70, il avait joué dans Symphorien dans deux épisodes. OK. Où est-ce qu'il jouait son propre rôle, c'était à l'époque de Lutte Grand Prix. Donc, ça, on en parle beaucoup plus dans la version francophone là, qui vient juste d'être lancée, comme vous l'expliquez, le Géant Ferré, la huitième merveille du monde chez Urtubise. Là, on est bien content que les livres ne soient plus dans les entrepôts, dans des caisses, en attendant de pouvoir voir les tablettes, puis ensuite trouver les amateurs qui veulent en connaître plus sur le personnage. OK, c'est sûr que c'était pas. C'est une parenthèse que j'ouvre. C'est sûr que les librairies, c'était pas ouvert. C'était évidemment une question de c'était pas un service essentiel. Par contre, pourquoi pas l'avoir lancé quand même, prévu initialement comme le COVID? Parce que il me semble que les gens avaient plus de temps à lire, non? Effectivement, c'est une question de distribution, en fait. Ouais, OK. En anglais, le livre était déjà lancé en distribution, était déjà rendu dans les entrepôts d'Amazon, était déjà rendu OK. dans les entrepôts de Barnes & Noble aux États-Unis. En français, le livre était encore en fin d'impression, donc toujours en entrepôt. Et quand tout ça est tombé, ben là, il n'était plus question de faire de distribution au Québec des livres, même s'ils étaient prêts. Donc, à partir de là, à contre-cœur, on a décidé d'attendre. Puis, finalement, là, depuis hier, là, le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies, disponible en ligne pour les gens qui préfèrent le commander en ligne. Puis, également, il sera dans certaines grandes surfaces comme Walmart et Costco. OK. Dites-moi, monsieur Hébert, qu'est-ce qui faisait de Jean Ferré une si grande vedette? C'est-tu le fait qu'il était gros, 7 pieds 4? C'est-tu son charisme? C'est qu'est-ce qu'il faisait en fait? En fait, le géant était totalement différent de tous les autres personnages du monde de la lutte, on s'entend. Une physionomie qui le faisait, on aurait dit que c'était un personnage directement tiré d'un conte de fées ou d'une bande dessinée. Il y avait une physionomie qui le rendait totalement différent. Mais il y avait aussi un charisme qui était indéniable parce que des grands et gros lutteurs, il y en a eu depuis le Géant Ferré, mais personne n'a atteint son niveau de notoriété et de popularité surtout. On a appris, nous, au fil de nos discussions avec les autres lutteurs, que on se serait pas peut-être douté, mais André était très intelligent face aux subtilités du métier de lutteur puis de la performance dans le ring, puis comment aller chercher à sa grandeur puis à sa grosseur, la sympathie du public en tant que favori. Et il a toujours su là, donc bien projeter son personnage. D'ailleurs, il vivait ce personnage-là plus qu'il vivait sa propre vie. André le Géant n'était pas capable de se mettre une casquette avec des lunettes de soleil et de passer incognito. Dès qu'il était en dehors de sa maison ou en dehors de sa chambre d'hôtel, il devenait Andrew the Giant ou le géant ferré. Donc, c'est une toute autre vie que celle que les lutteurs d'aujourd'hui peuvent avoir. OK. Si on parlait un peu aussi de sa carrière comme lutteur, c'était-tu un bon lutteur? C'était-tu... Encore là, c'est différent dans le cas d'André parce que comme il était entraîné en France à une certaine époque dans les années 60, il a été entraîné dans toutes les bases de lutte. C'est-à-dire, on lui a montré vraiment la lutte, toute la technique au sol, les prises, contre-prises. On l'a entraîné exactement comme on entraînerait n'importe quel autre lutteur. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui quand on a des gros bonhommes dans la lutte. Souvent, on va tout de suite leur enseigner le métier pour travailler comme un géant, un peu comme le Jean Ferry va développer là, plus tard dans sa carrière en arrivant en Amérique du Nord. Mais le géant a été entraîné dans la base de la base, comme on dit, presque comme un lutteur olympique pour apprendre vraiment ce qui est difficile de son métier. Et il était excessivement respecté pour ça au Japon dans son jeune temps, parce qu'il pouvait compétitionner avec les lutteurs plus durs et plus scientifiques là, qui se donnaient en prestation là-bas au début des années 70. Donc, c'était tout un lutteur. Et jusqu'au milieu des années 80, le géant était quand même très agile pour son poids et sa grandeur. Dans les premières années, dans les années 60, là, les images en France sont exceptionnelles parce que on dirait que c'est presque pas le même homme, à l'exception de quelques mouvements très très typiques d'André, comme de passer par-dessus la troisième corde pour enjamber lors de son entrée. Il était vraiment spécial à ce niveau-là. Mais c'était tout un lutteur. Malheureusement, c'est son corps qui est venu trahir en fin de vie. Là. OK. Est-ce que c'est Édouard Carpentier qui l'a amené au Québec? Oui, hein? Ah, ça, c'est la question à 100 000 $. En fait, c'est l'histoire qu'on a racontée. Oui, c'est OK, c'est pas vrai. OK, c'est beau. C'était deux Français. Hein? Ça faisait une belle histoire de dire qu'Édouard Carpentier l'avait rencontré. Il y avait un tronc d'arbre qui bloquait son chemin. Et là, le géant avait pris le tronc d'arbre, l'avait balancé à bout de bras. Ça faisait une belle histoire, c'était imagé, ça donnait tout un spectacle. Deux Français ensemble, tout était logique. Mais dans la réalité, quand Grand Prix lance ses opérations à Montréal avec les frères Vachon, on leur parle, Frank Valois leur parle du géant. Et il leur dit carrément qu'ils sont fous s'ils font pas venir le géant le plus vite possible à Montréal. De là, on va le faire venir. Bien sûr, Édouard Carpentier va à l'aéroport avec le promoteur Tony Mullet pour aller chercher André. Édouard va s'en occuper un peu au début. Et on va les mettre en équipe également dans plusieurs galas. Là. Donc, ils étaient mariés ensemble pour les histoires, pour les scénarios. Mais dans la réalité, c'est pas une décision de Carpentier là, de faire venir le géant en Amérique. OK. Si on parlait à M. Hébert aussi, je pense que je suis sur YouTube en même temps que je vous parle. Donc, je le vois avec Johnny Carlson, je le vois avec David Letterman. Donc, il a vraiment passé dans tout ce qu'il y a de show américain, de vraiment de gros show. Là. Puis, il a même affronté Hulk Hogan dans WrestleMania. Hein? Effectivement, à WrestleMania 3, ça demeure peut-être le match le plus important de l'histoire de la compagnie de la WWE, c'est-à-dire c'est le match sur lequel toute la mythologie de la WWE est basée. Ah, okay. À chaque épisode de lutte de la WWE d'aujourd'hui, peu importe la section de la compagnie, commence avec l'affrontement André et Hogan. Il est cette espèce de personnage légendaire, plus grand que nature, sur laquelle toute la compagnie a reposé durant des années. Là. À ce niveau-là, le géant et Hulk Hogan, c'est une des plus grandes rivalités d'histoire de la WWE, mais c'est une rivalité qui avait commencé bien avant sur les circuits des divers territoires, dont à Montréal. À Montréal, ça représente quand même aussi la première maison pleine, le premier sell-out de ce qui allait devenir lutte internationale. La compagnie dont le géant était copropriétaire là, avec Gino Brito et Frank Valois. Là. OK. Donc, c'est aux éditions ETB. C'est très intéressant. Mais on va vous dire une affaire. On capte ça tout de suite vraiment. Là. C'est une brique de 500. Quasiment 600 pages. Sais-tu que tu as beaucoup de travail de recherche au travers de ça? Ah, bien sûr, il y a énormément de travail de recherche pour découvrir ses origines. On a été chanceux. Son neveu Boris vit à Montréal. Il nous a introduit à la famille. Mon collègue avait rencontré une partie de la famille lors du documentaire de HBO. Donc, il est retourné en France là-bas, a fait beaucoup de recherches dans les journaux. On a fait beaucoup d'entrevues originales également. On a lu, relu et écouté tout ce qui s'est dit ou écrit sur André au fil de sa vie pour essayer d'avoir le meilleur portrait possible, parce que la carrière d'André le Giant, c'est relativement simple. C'est disponible sur YouTube ou sur diverses plateformes comme le WWE Network, mais il y a un André Roussimoff en arrière de ça. Donc, il y a une balance à aller chercher entre les histoires d'André le Giant et sa carrière, le personnage, puis la personne, André Roussimoff, sa vie, sa famille, sa fille, et surtout l'entente impossible qu'il avait face à la vie avec l'acromégalie qui lui a donné toute sa carrière pour au final venir complètement détruire son corps. Ah oui. Vous parlez de corps, vous parlez de mort, vous avez parlé de tout ça. Est-ce que vous pensez que son... parce qu'il mesurait 7 pieds 4, est-ce que vous pensez quelque part que c'est ça qui a fait en sorte qu'il est mort jeune? Puis dès les années 70, on lui mentionne au Japon que l'acromégalie, s'il ne fait pas traiter cette tumeur qui pèse sur l'hypophyse et qui fait que les hormones de croissance n'arrêtent pas, ça va le faire mourir jeune s'il ne fait pas faire cette chirurgie-là. Dès son arrivée au Québec, quelques années plus tard, il va dire commencer à dire à Paul Vachon puis à d'autres gens qu'il rencontre qu'il va partir vite, qu'il ne vivra pas vieux, puis qu'il faut profiter de la vie, puis qu'il ne faut pas perdre son temps dans des futilités, puis la bonne table, la bonne bouffe, ouais. la bonne boisson, il faut profiter de tout. Donc, il le savait et il avait pris cette décision-là. Les gens qui ont vécu avec lui semblent aussi confirmer qu'il voulait pas prendre le risque de cette opération-là, parce que pour lui, il avait été fait comme ça et c'est ce qui lui donnait la notoriété et la joie de voyager d'un territoire à l'autre pour rencontrer des gens, être dans son petit sanctuaire qui était le vestiaire, jouer aux cartes avec des amis, des gens qui ne se retournaient pas sur son passage. Parce que ça, c'est une partie qui était difficile. Se promener dans un aéroport, se promener sur la rue, au bar de l'hôtel, tout le monde se retournait sur son passage. Ouais. Au Japon, il y a une légende qui dit que de toucher un géant, ça porte chance. C'était pour lui excessivement difficile par moment, et plus il vieillissait et plus son corps le trahissait, sa patience aussi disparaissait. Donc tout ça joue un rôle important, pardon, dans sa vie et dans sa carrière. Très intéressant. En tout cas, je vous invite à lire, c'est aux éditions Urtibis. Il est en région, je pense que ça a sorti officiellement hier, donc normalement... Quand... Il a sorti hier, là, par d'ici la fin de semaine, tout le monde va en avoir région, des copies. En région, c'est toujours un petit peu plus difficile en région, donc voilà, ça devrait arriver au plus tard lundi à la librairie centrale. Donc, Régent Hébert, merci beaucoup, M. Bertrand Hébert, et au plaisir de se parler, puis bonne chance évidemment pour les ventes. Lorsqu'on fait un travail aussi colossal, autant de recherches. En fait, dernière question qui m'arrive, est-ce que la version anglophone et la version francophone est sensiblement pareille? C'est pratiquement la même chose. On a fait notre propre traduction de notre manuscrit anglais à la base. Donc, on avait une entente avec notre éditeur à Toronto. Et de là, une entente est survenue avec Urtubiz en cours de production. Et pour réussir à sortir en même temps, ce qui était le but, donc, d'avoir la version anglaise est sortie le 14 avril, nous, on devait sortir le 15 en français. On a fait notre propre traduction en cours de route. Donc, c'est sensiblement la même version. Il y a une photo de plus exclusive au Québec du premier match du Géant Ferré à Montréal à l'Auditorium de Verdun, qui est dans la version française. Puis, tout ce qui était plus typiquement local, Symphorien, Les Brillants, ben, on va discuter en détail de ces choses-là pour les amateurs de lutte du Québec, parce que c'est des choses qui vont plus venir les chercher là, que le public international en anglophone. Ah, ouais. Ben, merci beaucoup, M. Bertrand Hébert, pour le plaisir de se parler. Ben, merci beaucoup à vous, puis j'espère bien que les gens, comme tous nos autres livres, vont adorer Le Géant Ferré, la huitième merveille du monde. Donc, il est co-auteur de la biographie La huitième merveille du monde, qui est la biographie de Jean Ferré, M. Bertrand Hébert. Merci beaucoup.